j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères, depuis que les poètes maudits comptent leurs économies, je suis une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix. La partie d'échec a tenu un échec, un homme impressionnant de ranger du plomb blanc. Je jamais su trouver quand on fout dans le noir pendant que le cheval me cherchait pour me voir. Je suis une dame qui perce l'espoir de trouver un beau roi qui me baisse le soir. Le pion de quoi noir prêterait ma jupe avec son camarade qui est pion de quoi noir. Car à la casse, comme mon ami le cheval, part à la chasse pour saboter le manant qui voudrait me toucher. Un défaut noir voudrait me déshabiller. Un col de trousse, en 2000 pouces, rocher la frousse. Qui a pris son pied dans ce coin d'échiquier, voilà le filet fou qui m'a déchiqueté. Veux-tu bien lâcher la queue de mon cheval, je te frapperai du cuirat trois mal. Je suis une dame entourée de manant, qu'il faudrait de ce roi devenir une amante. Tire-moi de là, je serai ta tirelire étendue à tes pieds pour jouer de la lyre. Car au dégât, car mon ami le cheval s'en va par là pour saboter le manant qui voudrait me toucher. Un défaut noir voudrait me déshabiller. Un col de trousse, en 2000 pouces, rocher la frousse. Ouh, je vais m'en aller par la diagonale, aiguiser mon couteau, tuer le général. Sandales, retirez-vous de là où je vous ferai mal. Je franchirai tous ces pions ramassés devant moi comme des piquets de bois. Oui, on reste dans une petite séquence rétro, on va dire, avec, après Bernard Lavilliers à ses débuts, le groupe COS, C-O-S, et le morceau La Partie d'échec, c'était sorti en 1974 sur un album intitulé Posta Eolian Tran Robbery. Je précise que COS est une formation française. Et voilà, alors cet album, ils n'en ont fait qu'un. Il a été réédité par Muséa en 90. Et ils ont un peu remanié l'album d'origine en enlevant un titre et en ajoutant d'autres titres comme celui que nous venons d'écouter. Alors je précise pour ceux que ça pourrait intéresser que le reste de l'album est plus jazz et plus progressif que ne le laisse penser le morceau qu'on vient d'écouter, de facture plus classique, en tout cas avec on retrouve un peu moins ce jeu avec les éjaculations vocales de Pascal Son qu'on a pu entendre à l'instant. Et là je crois qu'on va changer complètement d'optique temporelle et spatiale. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique avec une petite période folk. On va commencer avec Alela Diane, qui est une chanteuse et compositrice américaine dont les chansons donc, sont imprégnées d'un style plutôt psyché-folk. Le morceau qu'on va écouter, il est tiré de l'album The Pirate's Gospel, qui était sorti en 2007 chez Fargo. Mais en fait, les morceaux, enfin, certains de ces morceaux sont en fait, avaient été enregistrés beaucoup plus tôt, hein, puisque le morceau qu'on va écouter, Tired Feet, est de 2004, enregistré en Californie par le père de Ayla Diane, qui joue aussi avec elle en concert. On avait pu d'ailleurs le constater avec Alex il y a quelques années à la salle Victoire, où il était présent. Voici le morceau Tired Feet de Ayla Diane. My tired feet brought me to that red boat, so still in foreign waters. And although I've never been here, oh, although I've never been here, I know that here I've swam before. Oh, well, here I've swam before. And soon I came, oh, so soon I came. Soon I came, oh, so soon I came. Soon I came to the silent place of choir voices. I've cried, I've died. Oh, I've slept until noon, and I've laughed, and I've sighed. I know that here I've sung before. Oh, here I've sung before. I know that I've sung before. Here I've sung thank you. Et voilà, c'était Gilles Torgeman avec un morceau intitulé Étant donné. Alors, c'était paru sur une compilation du label Ici d'ailleurs, et le titre de la compilation était Ici d'ailleurs. Voilà, on retrouvait Dominique Petitgan aussi, Yann Tiersen et Dino Doll qu'on écoutera un peu plus tard dans l'émission. Voilà, alors Gilles Torgeman, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un chroniqueur de musique, mais aussi de littérature. Il a officié pendant assez longtemps, 5 ans je crois, aux Inrecuptibles. Et puis sa plume a aussi servi chez d'autres titres de la presse. Et voilà, c'est une rareté puisque, dans un sens, Torgeman se définit lui-même plutôt comme un musicien que comme un plumitif, on va dire, un écrivain, ou un chroniqueur, mais c'est la manière qu'il a trouvé de gagner sa vie. Et finalement, ces enregistrements sont très rares et c'est une des rares traces qu'on ait sur cette compilation d'ici d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était une curiosité que je voulais partager avec vous, chers auditeurs. Et on va passer à quelque chose de très différent maintenant avec DJ Shadow et un titre extrait de son deuxième album, si je ne m'abuse, The Outsider. Et le titre Triplicate Something Happened That Day. Alors pourquoi passer DJ Shadow c'était pour faire un clin d'œil à la salle qui vient d'ouvrir, à la SMAC qui vient d'ouvrir sur Nîmes, oui. La Paloma. La Paloma, et qui a reçu DJ Shadow le 7 septembre. Mm-hmm. Voilà, donc au cas où vous ne seriez pas au courant de l'existence de cette nouvelle salle sur Nîmes, nous vous invitons tous à aller regarder le programme qui est d'ores et déjà disponible et qui est assez éclectique. Ce soir, au moment même où on vous parle, il y a Dionysos qui est en train d'officier. Ouais. Voilà. Et puis, vous pouvez regarder le programme, il y a des choses intéressantes dont on vous parlera à l'occasion. Oui, régulièrement dans les émissions, voilà. Je pense. Donc, attendez-vous à en entendre reparler de cette fameuse Paloma. Voilà, DJ Shadow. Thank you. box 52. Hand combat, man down, now you getting treated like a little dude. Pearl handle, black Ruger popping up. It's the return of the trench coat mafia. You got a click, but I bet they won't die for your last nigga that fronted a Muammar Gaddafi them. I'm busting lead in Armageddon, God is seven. Top of the dome is embedded, I said it. Step in the realms and get sweated. My foes get beheaded, live with no edits. Shred it, negative thoughts about the G.O.D. You better dead it, cause that's bad credit. All night, me on the mic is athletic. High heights, seeing my sight is like heaven. Firefight, fire and flights of bad weather. Whatever, get it together, my neck leather. Once again, welcome to the fucking next level. Metal plus netter, stretch limousines, machine guns running up with 26 villains. Fuck everything old, we fight for the children. 10 steps raw, who want war? Raise your swords and prepare for the lords. Running around like lions in the forest, and we came to conquer the land just like Moors. 10 steps raw, who want war? Raise your swords and prepare for the lords. Running around like lions in the forest, yeah, we came to conquer the land just like Moors. I'm throwing flying guillotines for Philistine. Came with an illotine to run up in your castle and kill your king. I'm doing my thing, dance with the lord in the ring. Standing firm in the square like Butterbean. I'm hotter than Shambhala, draw force before Makata. Rude boy shot up for top dollar. I'm not a big ass rapper that's not solid. I got it, to say I'm the hottest is just modest. My asses can melt down anything. So anything in my lane, man, I'm killing it. Two bottles of jewels, one spoon of ignorance. It's the vigilance, big chemist is injuring. Any contender wanna act like he's bigger than I. It's getting baked and fried, and that's minimum. MCs who wanna compete, I take 10 of them. Clowns in the street want heat, I got diligence, and that's how it really goes. So get familiar with it, and stop looking at the motherfucking videos. Choose your weapon, my tools is lessons. True connections, wrong draw, you lost your profession. 10 steps raw, who want war? Raise your swords and prepare for the lords. Running around like lions in the forest, and we came to conquer the land just like Moors. 10 steps raw, who want war? Raise your swords and prepare for the lords. Running around like lions in the forest, and we came to conquer the land just like Moors. Let the rhythm hit him, chew him up, spit him out, get him out, let's see if the barrel fit in his mouth. Hear the lion roar, what you crying for? I'm at the hot gates, open up the iron door. I'm the king of the jungle, so ready to rumble. Gunshots put the room on humble. I flip beats and make the words tumble, and flip bricks and I sleep on a bundle. Claiming you're off the chain, homie, I'm off the board. Dunk in your face, I'm the lord of war. I'm so much more, you bitches should never step up. I never let up, you fuckers, I never get up. Ice in my veins, ice on my chains. I'm nice in the lane, think twice for your fame. Shoot around like dice in the game. You crap out, break your bones when I make you tap out. 10 steps raw, who want war? Raise your swords and prepare for the lords. Running around like lions in the forest, and we came to conquer the land just like Moors. 10 steps raw, who want war? Raise your swords and prepare for the lords. Running around like lions in the forest, and we came to conquer the land just like Moors. On avait un petit peu peur que vous vous assoupissiez, donc on a passé un morceau un peu plus dynamique, DJ Muggs and Planet Asia. Le morceau s'intitule Lions in the Forest, et sur ce morceau on reconnaît aussi la voix de Be Real. De Be Real, effectivement. On trouve ce morceau sur l'album, Pain Language. Alors les amateurs de musique classique auront peut-être reconnu le sample utilisé dans ce morceau, hein. Il s'agit de la suite numéro 1 de l'Arlésienne de Georges Bizet, qui a été composée en 1876. Pain Language, lui, il est sorti cet album en 2008 chez Goldust, Cassette et Pias. Et donc on retrouve sur cet album DJ Muggs, donc le producteur, et DJ de Cypress Hill, qui s'est associé pour l'occasion à l'un des MC les plus talentueux de San Francisco, qui est aussi d'ailleurs la moitié du groupe Kali Agents. Il s'agit de Planet Asia, voici. Donc c'était Lions in the Forest, pardon. Alors on va enchaîner avec quelque chose de très différent, hein. On va repasser à notre type de musique, puisqu'il s'agit de post-rock avec Do Make Say Think, et le morceau s'intitule End of Music sur l'album And Yet. Alors Do Make Say Sing, c'est un groupe qui s'est créé à Toronto autour des années 1995-1996. Et ils sont restés fidèles depuis leur début au label Constellation. Et le And Yet, And Yet, c'est leur troisième album. Il était sorti en 2002. Donc vous allez voir avec ce morceau qu'ils sont capables de créer vraiment de beaux morceaux puissants. Mais c'est vrai que c'est un peu moins fort quand même que le grand groupe du label, c'est-à-dire Godspeed You Black Emperor. En fait, je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour découvrir l'univers de Godspeed, parce que la musique est quand même un peu plus abordable chez Doom Makes I Sing, c'est très bien. Et ça reste encore abordable. Et puis une fois qu'on aime ce genre de musique, après on peut vraiment passer aux choses sérieuses avec Godspeed. Voici End of Music. just pray right now in this Rock Burning Record ceremony that each one of these artists, Lord, will come to know you. And Lord, let this be done for your glory in Jesus' name. Several more times. Amen. Lord, let this be done for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. I've not been possessed. I mean, I do find that to listen to this type of music is very depressing. And, you know, I can only spend a certain amount of time going into it. But you've never been possessed by it. I've never been possessed by it. Why should anybody else? We're not looking at things that would be possessed in the way that the word possessed would be normally used. What we're looking for. Way of influencing somebody's mind and his attitude towards a certain area of you or your children the abhorrent to the religion of sages and all that that would have led. Not questioning six to live later, or you should live in a with it. That's Thank you. C'était Zoviet France. Ça faisait longtemps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas passé un titre de la formation de Newcastle Upon Tyne. Et voilà, en début de semaine, là, j'ai réécouté ce disque qui s'appelle What Is Not True, qui est un live qui date de 1993. Et j'ai réécouté, je me suis dit que vraiment, il fallait que j'en fasse profiter le maximum de gens possible. Quoi. T'as donc. Bien fait. Voilà, c'était le premier album du groupe sans Robin Storey, qui était déjà parti fonder Rapoun. Aventure individuelle. Aventure individuelle, oui. Et donc là, voilà, on retrouvait Zoviet France dans sa veine la plus chamanique et rituelle. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Ah, ça m'a beaucoup plu. Ouais. C'est vrai que bon, le problème, ce qu'on disait hors antenne, c'est que c'est compliqué maintenant pour récupérer le CD, puisque bon, c'est pas réédité, donc non. Il faut passer par les réseaux numériques et c'est vrai que voilà. Je pense que les prix sont pas. Oui, pas facile d'accès, quoi. Hein. C'est des pièces élevées. Je pense pas. Oui, c'est des pièces assez recherchées. Et voilà. Alors on enchaîne, je crois, Fabrice, avec Kid Koala. Kid Koala, oui, qui va sortir un nouvel album d'ici la fin de l'année, qui s'intitulera 12 Bit Blues. Et il y a un single qui est d'ores et déjà disponible et qu'on peut écouter. Et en attendant, l'album qui va paraître chez Ninja Tune comme le reste de sa discographie, je voulais vous passer un des premiers morceaux qu'il ait fait, qui date de l'an 2000, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert cet été, qui s'appelle Emperor's Main Course, et qui est une reprise du thème que David Byrne avait composé pour le film de Bertolucci, Le Dernier Empereur. Et il a repris le thème tel quel et il a rajouté quelques sons, quelques scratchs. Voilà, c'est très apaisant, c'est très ça s'enchaîne bien avec Zoviet France. Avec Zoviet France. Dans une veine un peu plus easy listening, on va dire. Voilà, Kid Koala, Emperor's Main Course. Most of those who believe they should stop find it very difficult to do so. They find it's become a deeply ingrained habit, a habit they can't change just because they want to. I know about these things because I've been through it. We invite you now to listen, and we wish you every success. However, as a beginner, it's best to just kill everyone as fast as you can by using the pump button. Yeah. Fantastic. dance the swivel hips, coming to conclusion, button up your lips, walking, walking in the rain, walking, walking in the rain. Flash and the Pan pour terminer en beauté cette session du Beau Bizarre et le morceau Walking in the Rain. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Alex et Fabrice pour une nouvelle session donc du Beau Bizarre. Salut à tous. Salut à tous. Au revoir.